Je pense que si un enfant a vu un ou deux vrais dessins animés dans sa vie, cela est déjà suffisant. S'il se rappelle ce dessin animé de temps en temps et qu'il en garde l'impression d'avoir vu quelque chose d'extraordinaire parmi toutes les merveilles du monde, alors ce sera bien. Gigi, tu peux allumer la radio ? J'ose pas lâcher le balai ! Dépêche-toi ! La petite sorcière est le cinquième film du studio Ghibli, fondé par Hayao Miyazaki, et son premier grand succès. Grâce à ce film et aux 2,6 millions de spectateurs qui vont le voir à sa sortie en 1989 au Japon, la grande aventure devient viable et durable. Comment cette rencontre entre une petite sorcière de 13 ans qui ne possède d'autre pouvoir que celui de savoir voler sur un balai et le grand cinéaste japonais explique un tel attachement définitif dans le cœur des spectateurs ? Sortie de l'enfance, libération par le travail et chat qui parle, voici l'histoire de cette sorcière qui commence, comme souvent chez Miyazaki, par le vent qui se lève. Bonjour Alexandre Matisse. Bonjour. Bienvenue sur Les Chemins de la Philosophie. Mais merci. Vous êtes journaliste chez Revues et Corrigées, auteur du livre Un monde parfait selon Ghibli aux éditions Playlist Society. Vous êtes avec nous ce matin pour parler de Kiki la petite sorcière. Est-ce que, comme l'a dit Miyazaki en ouverture de l'émission, en regardant Kiki, vous avez eu l'impression de voir quelque chose d'extraordinaire parmi toutes les merveilles du monde ? Ah oui, oui, c'est même... Alors on va directement commencer sur quelque chose du coup d'un peu personnel, mais c'est devenu mon film doudou, donc on en a tous un et il s'avère que c'est celui-ci. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour qui un film du studio Ghibli, et notamment de Miyazaki, est important dans la vie. Donc là, c'est Kiki, effectivement, on va pouvoir voir pour plein de raisons en quoi on a envie de vivre dedans. C'est quelque chose de très important chez Miyazaki, le sentiment de vouloir faire partie de ce monde, d'y être. C'est réaliste tout en étant fantastique, ça c'est un peu un paradoxe, mais c'est quelque chose de très touchant toujours chez Miyazaki. Et effectivement, alors là, pour le coup, oui, Kiki, c'est quelque chose d'exceptionnel et je pense qu'on peut vivre avec pendant longtemps. Et rien que l'héroïne, je pense qu'elle peut servir de modèle pour plein de gens. Alors, évidemment, des petites filles, mais pas que. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'important, notamment dans le monde de l'animation et dans les dessins animés, c'est que les enfants se cherchent des modèles. Ils se cherchent des modèles qui vont au-delà des parents. Et souvent, dans les films d'animation, dans les dessins animés, les quêtes initiatiques qui sont faites font que le héros ou l'héroïne sert de modèle pour l'enfant. Mmh. Et Kiki, même si son histoire paraît simple et presque plus banale que pour d'autres héros, c'est plus fantastique, elle sert, je pense, vraiment de modèle pour plein de gens. Et ça, c'est lié à sa personnalité, c'est lié à son aventure, c'est lié à la magie, mais c'est aussi lié à là où elle va, à la mission qu'elle a. C'est-à-dire, donc, dans Kiki, le principe, c'est que c'est une sorcière de 13 ans qui, donc, doit partir de chez ses parents pour trouver une ville où il n'y a pas de sorcière. Et elle doit vivre avec eux pendant un an et trouver sa place. Donc, clairement, un rite initiatique. Ouais. Et Kiki va trouver une ville et pendant un an, elle va essayer de trouver comment elle peut être utile. Dans le roman d'origine qui sort en 1985, si je vous dis pas de bêtises. Oui, parce que le film est adapté d'un roman. Hein. Exactement, qui est donc de Daiko Kadono, qui est une écrivaine japonaise qui a fait pas mal de livres pour enfants. Elle le sort en 85. Miyazaki adapte donc ce premier roman. Et vu le succès du film, d'ailleurs, elle va faire 5 suites, je crois. Ah oui, d'accord. Donc, c'est l'adaptation au cinéma qui a donné envie à l'écrivaine, à l'auteur du roman, de publier des suites. Exactement. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que, comme souvent, quand un écrivain se retrouve adapté, il aime pas trop les changements qui sont faits de prime abord. Ouais. Elle a failli dire non, finalement, on le fait plus. Ils ont réussi à la convaincre de le faire. Et finalement, vu le succès du film, bon ben, elle y a tout gagné, je pense, du coup, parce que... Alors, c'est intéressant parce que Miyazaki disait, il pensait, un enfant a vu un film, un dessin animé extraordinaire, bah, c'est gagné. Et vous dites, oui, Kiki, c'est exactement ça. Et pourtant, le film Kiki, sans doute parmi tous les films de Miyazaki, est celui qui est le plus ordinaire, au sens il n'y a pas de choses spectaculaires, il n'y a pas de choses irréelles. Le seul pouvoir magique de cette sorcière, c'est de pouvoir voler sur un balai, mais vraiment, elle s'en sert pas pour sauver le monde. Sauver un petit garçon à la fin, on verra. Hein. Mais il y a quelque chose du ton de ce film qui est très particulier. Et en effet, je trouve assez ordinaire. Finalement, sa vie ressemble beaucoup à la nôtre. Oui, alors elle a un deuxième pouvoir quand même, c'est qu'elle peut parler à son chat. C'est vrai. Et donc, Gigi le chat qu'on Gigi a entendu. Gigi le chat, ouais, ouais. Qui est une vraie mascotte. Et d'ailleurs, dans le roman, on nous apprend que chaque sorcière a un chat qui est né au même temps qu'elle. Et qu'elle doit, donc un chat noir forcément, c'est une sorcière, et qu'elle peut parler avec lui, et ce sont les seuls à se comprendre, hein. C'est-à-dire que les gens à l'extérieur ne peuvent pas se comprendre. Donc voilà, ça c'est son deuxième pouvoir, mais effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ça comme pouvoir? On va pas sauver le monde, comme vous dites. Après, c'est aussi le travail de Miyazaki de se dire qu'en donnant cette impression du réel, la magie va d'autant plus fonctionner. Donc ce qui se passe, c'est que Miyazaki a voyagé dans les années 70 en Europe, donc il s'est beaucoup inspiré de ses voyages en Europe, et en pré-production, il a demandé aux équipes aussi d'aller en Europe, donc il est allé notamment en Suède. Et la ville dans laquelle elle arrive, c'est une sorte de melting pot, enfin de mélange entre Stockholm, un peu des choses de Lisbonne, paraît-il. On voit des noms en italien, on voit un magasin qui s'appelle Risotto, donc voilà, forcément inspiré de ville italienne. Voilà, c'est ce mélange-là. C'est pas le Japon en tout cas, ça c'est sûr. C'est l'Occident. Exactement. Comme dans Porco Rosso. C'est l'Occident, ouais. Miyazaki est très marqué par ses voyages en Occident. Ça existait déjà à l'époque où il travaillait aussi avec Takahata dans la série Heidi ou dans d'autres productions pré-Ghibli. Hein, qui est fondée au début des années 80, l'influence européenne et on va dire occidentale de manière plus générale est importante. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des marques japonaises qui sont là, mais clairement, oui, on est sur un film occidental, entre guillemets. Alors avant de suivre le grand départ de Kiki qui ouvre le film, commentons le tout premier extrait qu'on a entendu, c'était uniquement du son, mais le son du vent. Le vent se lève est le titre du dernier film en date de Miyazaki paru sur nos écrans. Mais il faut quand même le dire que le mot Ghibli, de studio Ghibli, ça veut dire le sirocco, le vent en fait. Ouais, c'est le nom donc d'un vent effectivement, donc c'est le nom italien du sirocco qui est Ghibli. Et Ghibli c'était aussi le nom d'un avion italien. Et ouais. Miyazaki est passionné d'aviation. Son père et son grand-père ont tous les deux travaillé dans le monde de l'aéronautique. Et donc ça a vraiment été quelque chose de très important. Et le nom et la sonorité Ghibli a devenu une vraie marque et très importante. Il y a une époque où il était question de changer peut-être de nom. Ils sont devenus complètement indépendants en 2005 pour des questions économiques qui sont pas très importantes ici, mais ils se sont dit, est-ce qu'on change de nom, est-ce qu'on garde? Ils se sont rendus compte que non, la sonorité, donc on est sur quelque chose aussi d'acoustique, voilà le vent, la sonorité était primordiale et ils ont préféré garder ce nom-là. Donc oui, voilà, il y a une origine vraiment de vent dans le nom. Et le vent, on le retrouve dans tous les films de Miyazaki? Dans tous les films. Et là, justement, c'est le vent qui porte le balai de la sorcière qui s'apprête à partir. Écoutez, le départ de Kiki, c'est un peu le départ de Miyazaki dans l'univers du cinéma. La première fois que ça marche, je le disais, avec ce film Kiki. La sorcière et Miyazaki, même combat, on verra ça dans un instant. Ah, vous devez être inquiet de voir votre fille partir vers une autre ville. Je suis sûre que Kiki s'en sortira très bien. Quel genre de ville tu voudrais? Une grande ville? Oui, un endroit où il y ait la mer. Oh, t'en as de la chance. Mais je pars en apprentissage. Pour devenir une vraie sorcière, je dois pouvoir tenir un an loin de la maison. Tu tiendras s'il y a des garçons sympas. Kiki, c'est l'heure. J'arrive. C'est sur ce balai que tu veux partir? Oui, et je l'ai fabriqué moi-même ce matin. Comment tu le trouves? Il est un peu petit, comment veux-tu voler là-dessus? Prends le mien, tu seras plus à l'aise, tu verras. Oh non, j'en veux pas, il est trop vieux. C'est un avantage qu'il soit vieux. Il a tellement servi qu'il ne craint pas la tempête, je serai plus tranquille. Tiens, prends-le. Je me suis pas donné autant de mal pour rien, n'est-ce pas, Gigi? Personnellement, je préférerais celui de ta maman. Merci de m'aider. Kiki, lorsque tu seras habitué à la ville, tu auras tout le temps de t'en fabriquer un autre. Sois prudente. Sois courageuse. C'est promis. Au revoir, Kiki. Bon voyage. Eh bien voilà, cette fois, elle est partie. Moi, le son de ces grelots va drôlement me manquer. Et voilà, tout Kiki est dans cet extrait, au fond, Alexandre Matisse. Il y a un départ, on entend, son nom est scandé par ses amis, par sa famille. Et puis finalement, en fait, le ballet a du mal à démarrer, elle manque de tomber, elle se rattrape et sa mère dit « elle a pas fait beaucoup de progrès ». Rien n'est extraordinaire dans ce film, justement. On est absolument dans ce qui peut se passer dans notre vie de tous les jours avec les hauts et les bas, au fond. Oui, c'est exactement ça. C'est comme si nous, on doit prendre le train la première fois, puis qu'on se trompe de voiture ou quelque chose comme ça. Et parce qu'en fait, elle arrive à voler si elle est bien concentrée. Et forcément, elle est un peu distraite. Et puis, elle a ce petit côté mascotte de son petit village, enfin de là où elle vit. Mais c'est une petite fille normale. Et ça, c'est important quand même pour l'identification. Quelqu'un de normal à qui on peut s'identifier, avec qu'on peut accompagner. Normal, c'est-à-dire pas idéalisé. Voilà, exactement, pas idéalisé et pas une super-héroïne. Il y a des personnages de super-héroïne parfois chez Miyazaki, ouais. Mais là, on est sur quelque chose de plus proche de nous. Et en même temps, dans cet extrait-là, on entend aussi toute la volonté des personnages d'enfants et des jeunes femmes chez Miyazaki. C'est-à-dire que c'est elle qui décide quand elle part. Dans Kiki, la sorcière est censée partir à la pleine lune et elle est censée partir à la pleine lune suivante. Et au tout début du film, en fait, elle entend la radio que le temps est clair. Elle se dit non, mais en fait, je pars ce soir, donc dans 3 heures. Et sa famille dit non, mais sa mère est complètement perdue. Son père, qui lui n'est pas sorcier, hein, qui est un humain, un moldu, comme on dirait dans Harry Potter, pareil, ne s'y attend pas du tout. Mais elle a décidé qu'elle partait. À ce moment-là, elle veut aussi choisir sa robe. Bon, alors elle a pas trop son mot à dire, mais elle dit oh, non, mais une robe noire pour une sorcière, c'est vraiment un peu cliché. J'ai un chat noir, une robe noire, super. Tout est noir. Tout est noir. Et le ballet, alors elle a pas le dernier mot, mais effectivement, elle a fait son propre ballet. Elle veut que ça soit le sien. Et on lui dit non. Apprends le monde adulte. D'abord, tu prends ce ballet-là qui sera plus efficace. Et après. Avec cette phrase géniale, hein, c'est un avantage qu'il soit vieux. Il a tellement servi qu'il ne craint pas la tempête. Exactement. C'est une manière de parler du vieil âge. Exactement. Oui. Et puis c'est aussi une manière de nous ramener au monde classique de la sorcière. C'est-à-dire qu'en 89, l'image de la sorcière, elle a pas encore évolué comme aujourd'hui. Ah oui, en 89, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu Ma sorcière bien aimée. Voilà, Ma sorcière bien aimée, c'est un moment quand même un peu important dans le monde des séries parce que c'est une femme au foyer qui sort de sa condition de femme au foyer et qui a des super pouvoirs. Voilà. Mais par exemple, on n'a pas encore eu une série comme Charmed, on n'a évidemment pas eu encore Harry Potter, puisque je faisais une référence juste avant. Donc on est encore sur une image classique, et d'ailleurs on a pas mal d'attributs, le chat noir, la robe noire, etc. Mais on n'est pas non plus dans cette image complètement, j'ose pas dire le mot déconstruit, mais je ne vois pas d'autres termes plus adaptés que ça. Donc voilà, c'est un peu cet entre-deux. Un peu magique, mais comme très quotidien, un peu différent de la sorcière, mais quand même une vraie image de sorcière. Et là-dedans, il intègre vraiment son personnage féminin, comme on retrouve dans les autres films. C'est-à-dire que Shiro, c'est une jeune fille qui va devoir s'émanciper de sa condition de petite fille perdue et timide. Et donc, elle va devoir faire sans sa famille. Dans Nausicaa, on a affaire à quasiment une princesse de son peuple qui va devoir défendre son royaume. Voilà, ça s'applique vraiment pour tous les films. Et même quand elles sont pas les héroïnes, dans Porco Rosso, par exemple, on a des personnages féminins très forts. Et je trouve que Kiki en est une version un peu à part, mais complètement raccord avec l'image qu'en a Miyazaki. Il a toujours déclaré que les personnages féminins, les jeunes filles, pouvaient faire les choses elles-mêmes. Elles peuvent avoir des amis, elles peuvent avoir des compagnons, voire des parents, mais elles sont capables de faire les choses par elles-mêmes. Ça, c'est très très important. Et Kiki, c'est complètement ça. Hein. D'ailleurs, Miyazaki, dans la note d'intention à Kiki, qu'on peut trouver en ligne, hein, écrit « Kiki a le devoir d'aller vivre une année entière dans une ville qui lui est inconnue et d'y faire valoir ses talents pour être reconnue comme sorcière à part entière. » Cela ressemble à quelqu'un qui arrive seul à Tokyo pour devenir créateur de dessins animés. Aujourd'hui, on dit qu'il y aurait 300 000 jeunes garçons et filles espérant réussir dans ce métier. Dessinateur est un métier assez répandu, il est relativement facile de débuter et d'en vivoter. Mais une des caractéristiques de la vie moderne est qu'une fois les besoins courants satisfaits, l'accomplissement de soi devient le vrai centre d'intérêt. Donc la comparaison entre le dessinateur, le jeune Miyazaki qui arrive à Tokyo pour essayer de faire carrière dans le dessin et la jeune sorcière qui doit choisir une ville pour s'établir comme sorcière tient jusqu'au bout, en tout cas elle est explicite pour Miyazaki. Mais oui, je connaissais pas cette citation, je l'avais pas vue, mais je suis pas très étonné évidemment qu'il ait mis des morceaux de lui hein, dans ces films-là. Et effectivement, Miyazaki, il a mis très longtemps avant d'arriver à... Pas forcément en vivre, je pense qu'il en a vécu assez tôt, mais en tout cas à pouvoir s'émanciper de ce milieu-là. Et d'ailleurs, une des raisons de la création du studio, c'est aussi ça. Hein, il n'arrivait pas à faire produire ses films. Son comparse de toujours, qui était Isao Takahata, qui est un des cofondateurs du studio, lui aussi avait du mal à faire ses films. Et c'est au bout d'un moment, ils se sont dit, on va se mettre ensemble. Il faut savoir que le monde de l'animation pré-Ghibli au Japon, c'est pas du tout celui d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, il y a beaucoup de, enfin, il y a beaucoup, il y a des dessins animés qui se font pour la télé, avec la Toei notamment. Mais alors, pour aller au cinéma, c'est très compliqué. Donc, ils ont déjà tous les deux réussi à faire produire des films. Mais au milieu des années 80, ils se rendent compte vraiment que s'ils n'ont pas leur propre structure, ils ne pourront pas faire leur propre film. Donc, Kiki sert aussi d'affirmation pour Miyazaki de la solidité de Ghibli, puisque vous l'avez dit au début, le film a un fort succès. Au Japon, ouais, c'est le premier. Parce qu'il y a eu Totoro avant, il y en a eu d'autres. Hein, j'ai dit, c'est le cinquième film de Miyazaki, mais aucun ne connaît un tel succès. Exactement. Totoro connaîtra un succès après avec ses diffusions télé, et c'est donc après que ça devient un peu la mascotte. Mais Kiki a un grand succès, et du coup, si on avance un peu sur l'avenir, c'est à ce moment-là qu'ils fondent leur studio en dur, puisqu'avant, ils louaient des locaux, ils étaient à droite, à gauche, et une partie des salariés sont vraiment salariés. Ils fonctionnent plus par projet. Pour aller, d'ailleurs, pour reprendre le côté figure féminine émancipée, ils l'appliquent dans le travail, par exemple. Il met en place une crèche au studio pour permettre aux jeunes mamans de revenir travailler rapidement. Et dans le Japon des années 80-90, ouais, très clairement, on n'y est pas encore. Alors ça, c'est un truc troublant aussi avec Kiki, c'est qu'elle travaille, elle travaille beaucoup. On va y venir, d'abord on la rejoint, elle est en plein ciel, en train de voler sur son balai, et quelle est la première chose qu'elle demande à son chat? Gigi, tu peux allumer la radio? J'ose pas lâcher le balai! Dépêche-toi! ママに会うために今一人列車に乗ったの黄昏迫る街並みや車の流れ横目で追い越してあの人はもう気づく頃よバス Ça se voit? Oui, je viens de prendre mon envol, je suis nouvelle. Peux-tu éteindre cette musique, s'il te plaît? J'aime rester concentrée quand je vole. Ah. Voilà, un des traits de génie de Miyazaki, c'est la manière qu'il a d'intégrer chaque univers sonore dans ses films. Ici, on a une chanson, pas simplement pour avoir une chanson. Il y a un terme, hein, d'ailleurs, qui désigne le fait d'intégrer au sein de la narration un élément sonore ou même une image littéraire. Ici, donc, c'est Gigi, le chat, qui allume la radio. Et quand la rencontre avec une autre sorcière en plein air, en plein ciel a lieu, eh bien, le son passe du côté du transistor. C'est plus du côté du spectateur, mais on voit que c'est de la musique au sein du film qui est intégrée. Et ce qui fait que le spectateur est reçu Kiki non seulement par la vue, mais aussi par l'écoute, par l'ouïe, Alexandre Matisse. Oui, oui, ça fait partie du coup de sentiment d'immersion dont on parlait un petit peu plus tôt. Et en allant même au-delà de cet extrait-là, il y a tout un travail sonore sur les silences. C'est-à-dire qu'il a pas peur du tout des silences, le bruit du vent dont on parlait aussi un petit peu avant, mais de manière plus générale. Alors, le travail musical de manière globale, en plus, est très important, hein. Joe Hisaishi, son compositeur attitré depuis Nausicaa, fait encore ici un travail remarquable et une musique très occidentale avec de l'accordéon, oui. Une musique presque un tango, je crois, à un moment, quelque chose comme ça. Et son intégration fait que on est porté, c'est-à-dire qu'il y a une rythmique musicale et dans les silences et dans les paroles qui est très important. J'ai en plus moi un peu une théorie qui fait que on a beaucoup de très bons dessins animés qui sortent, mais les rares chefs-d'œuvre. Enfin, les rares chefs-d'œuvre, il y en a pas mal, mais les chefs-d'œuvre, ce sont ceux qui ont de très grandes musiques. Donc, c'est vrai pour les meilleurs Disney. Un film comme Valse avec Bachir a une musique extraordinaire, ça en fait un chef-d'œuvre. Le Conte de la Princesse Kaguya, qui est pour moi un chef-d'œuvre, a aussi une musique de Joe Hisaishi qui est magnifique. Et Miyazaki, très clairement. Je crois qu'il n'y a pas un seul de ses dessins animés qu'on n'associe pas à une chanson. Ouais, c'est qu'on garde en tête après toute la journée. Hein. Ça, c'est un petit peu la contre. Ouais, des fois, c'est un peu plus embêtant. Quand ça traîne trop, c'est un petit peu fatigant. Mais et pour revenir sur l'extrait là, donc on est juste avant qu'elle trouve la ville qu'elle cherche. Donc elle veut absolument aller à la mer. Elle, voilà, elle veut trouver seul une ville. Critère. C'est le seul critère. Donc elle va se retrouver aller dans le sud, au bord de la mer. Ça ressemble un peu à l'Adriatique, du coup, hein, à ce niveau-là. Et donc là-bas, comment est-ce qu'elle va se rendre utile ? Il faut travailler. Il faut travailler. Donc en fait, on a une petite fille de 13 ans qui devient un peu auto-entrepreneuse, clairement. Comment ça se passe ? Elle est accueillie par une boulangère qui s'appelle Osono. Et qui lui dit, mais si tu veux, j'ai une chambre, tu peux venir chez moi un petit temps, et puis comme ça, tu trouveras comment t'organiser. Et donc, quelle est la seule chose que sait faire Kiki ? Vous le disiez, elle sait voler. Donc, comment rendre ça utile ? Eh ben, en aidant une jeune maman qui a oublié la tétine du bébé, elle se rend compte qu'elle peut rendre service. Elle prend la tétine, elle lui apporte, et forcément, ben, en volant, on n'a pas à traverser les rues en faisant des zigzags. Du coup, elle se dit, je vais fonder mon service de livraison. D'ailleurs, en anglais, le film, c'est Kiki's Delivery Service. Donc, vraiment, le service de livraison de Kiki, c'est une ode à la poste, en fait. Et le film va vraiment se construire autour de ça. Oui, c'est de l'ubérisation avant l'heure. Hein. Exactement, ou c'est de la start-up, on veut, c'est quasiment ça. Et alors, du coup, dans le roman, c'est vraiment, par chapitre, il y a un événement de livraison. Et ce que fait Miyazaki, c'est que cet élément-là de... je vais faire des livraisons, évidemment il va lui donner du liant et elle va croiser des personnages qui vont être importants dans sa construction personnelle. Mais il y a vraiment cette importance d'aller rendre service. Et tout à l'heure je vous disais, c'est devenu un petit peu mon film doudou et je me suis posé pendant des années la question de pourquoi. Et bien la réponse en fait, ça se trouve peut-être là, c'est que même si en gros tout travail mérite salaire, parce que quand même quand à un moment il y a une vieille dame qui l'appelle, qui lui demande de faire une livraison, elle arrive et finalement le colis n'est pas prêt. C'est une tourte aux harengs et au potiron, je crois. Potiron, ouais. Au potiron qui doit être livré et il n'est pas prêt, le plat. Elle lui donne l'argent en lui disant non mais je t'ai dérangé, tu seras payé. Et elle dit non mais moi je vais vous aider à le faire cuire, s'il y a un problème de four, on va régler le problème, etc. Donc elle est dans ce volontariat. Je vais quand même gagner, enfin mériter mon salaire, mais c'est pas trop ça le message qui est le plus important, c'est que tout en fait est marqué par l'altruisme. Tous les personnages sont bons, même quand ils sont un peu réticents au début, même quand des fois il y a des petits, des mini conflits, mais qui sont pas méchants, ils sont tous bons et ça fait du bien de se retrouver dans un film où on se rend compte que si on fonctionne par l'altruisme, le monde sera meilleur. Si je suis un petit peu idéaliste, et Kiki, c'est vraiment une histoire d'altruisme. Oui, mais là où le film est fort, c'est qu'il n'est jamais dans le manichéisme. Et certes, c'est sans doute un des messages délivrés par le film, mais tout autant que celui de la nécessité du travail pour s'émanciper. Vous l'avez dit, elle monte un service de livraison. On est quand même un peu étonné au début de se dire, mais cette petite fille de 13 ans, non seulement elle part toute seule sur son balai, mais elle doit travailler pour survivre au fond, et elle a pas d'argent, et elle paraît quand même très jeune pour travailler. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez Miyazaki. Oui, parce que l'approche de Miyazaki du travail, c'est que effectivement c'est prenant. D'ailleurs, dans le film, à un moment, elle tombe malade parce qu'elle a fait une livraison sous la pluie, et donc elle a une petite grippe, et même elle a le moral à zéro, et elle arrive plus à travailler, elle arrive plus à voler, on y reviendra. Mais en fait, Miyazaki a une approche du travail qui n'est pas pénible. Donc le travail est intense, mais il n'est jamais terrible à faire. Même dans le voyage de Chihiro, c'est quand même une vision du travail qui est très dure. Oui, mais là, elle est réduite en esclavage dans l'histoire. Ouais. Donc c'est différent. C'est-à-dire qu'elle elle subit ça. Elle signe un pacte qui est que pour sauver ses parents, elle doit devenir esclave. Elle perd même son nom, ce qui est une symbolique très fort au Japon de l'esclavage. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est plus une personne en tant que telle. Donc effectivement, elle en souffre. Malgré tout, par exemple dans Mononoke, il y a les femmes qui travaillent à la forge. Et même si ça a l'air très physique, très fatigant, elles le font en chantant, elles le font avec une espèce de bonheur de le faire. Enfin, de bonheur en tout cas, c'est pas... Il y a une grande ambivalence du travail. Voilà, il y a une grande ambivalence. Ouais. Et c'est vrai que dans Kiki, elle a que 13 ans, vous avez raison. Mais ouais, elle est aidée par tout le monde. C'est-à-dire que t'as besoin d'un logement, tu l'as. Tu as besoin du téléphone, je te le prête. Et en échange, tu me rends un petit service à la boulangerie. Voilà, c'est une approche du travail effectivement un peu ambivalente. Après, au Japon, je sais que notamment chez Ghibli, ils travaillent énormément, énormément, énormément. Donc voilà, la valeur travail, elle est portée. Avec comme une précision, parmi les valeurs du studio, on ne travaille pas la nuit. Toute la nuit, c'est interdit. Alors qu'il y a un peu une image comme ça au D'ailleurs, Japon. D'ailleurs, Kiki non plus, je crois. On la voit travailler la nuit, je suis pas sûr. Non, on la voit pas travailler la nuit. Sous la pluie, oui. Mais sous la pluie, oui. Dans les années 70, déjà nous avions des conversations interminables sur le cinéma, sur la politique et dans beaucoup d'autres domaines. Je crois qu'il y avait une vraie connivence idéologique entre nous. Nous percevions le monde de la même façon, et c'est peut-être ça, au fond, qui nous a rapprochés. Notre engagement, par exemple, nous étions tous des hommes de gauche. Pourquoi, à votre avis, la viande de Porco Rosso est-il rouge ? Vous savez, dans leur jeunesse, Miyazaki et Takahata ont milité dans le syndicat du studio Toei, là où ils se sont connus. Ils en ont gardé plus qu'un souvenir, je pense, un engagement. Chacun de leurs films, depuis, porte la trace de cette conscience collective. Bonjour tout le monde. Bonjour, tu as bien dormi? Ça sent drôlement bon, je peux vous aider? Si tu veux. Service de livraison? Oui, parce que tout ce que je sais faire, c'est voler. Et pour livrer, on a besoin de rien d'autre. C'est une très bonne idée. Tu seras le premier livreur volant. C'est formidable. Sers-toi de la chambre comme bureau. Je peux? Oh, merci! Il me faut le téléphone! Ça va te coûter les yeux de la tête. J'ai un peu d'argent. C'est pas une raison pour le gaspiller. Non, sers-toi d'une autre pour commencer. On ne se fait pas une clientèle du jour au lendemain. Voilà ce que je te propose. Avec mon gros ventre, je commence à fatiguer. Si tu m'aides un peu, je t'offre le gîte, le téléphone et un bon petit déjeuner en prime. Merci beaucoup. Je vous promets de faire le maximum. Oh, Osono, vous êtes formidable. Et oui, regarder un film de Miyazaki, c'est certes voir les images, entendre le son, là, un peu comme entend Alexander Matisse, et vous avez remarqué au début de cet extrait, d'ailleurs, on entend la radio à nouveau, mais en anglais cette fois-ci, donc on se demande vraiment dans quelle ville on est. L'odeur, puisqu'elle est dans une boulangerie, elle dit « Oh, ça sent si bon !» Et effectivement, c'est extrêmement alléchant, ce qu'on voit à ce moment-là à l'image. Comme souvent chez Miyazaki, on y reviendra, mais l'importance de la nourriture est fondamentale. Et il y a cette idée que vous avez commencé à esquisser, et qui reprend ce que disait le producteur, hein, Suzuki Toshio, que vous avez entendu juste avant, qui parlait de la dimension politique du studio et de Miyazaki. L'idée donc d'une sorte de modèle d'une société qui fonctionnerait bien si... Eh ben, comme c'est le cas ici, la boulangère allait proposer à Kiki de lui fournir le logement en échange de ses services de livraison, et que finalement c'est un intérêt mutuel bien compris qui permet aux deux femmes et aussi sans doute au reste, à ceux qui vivent près d'elle, de vivre en bonne entente. Oui, oui. Donc, il faut préciser que la boulangère est enceinte. Oui, c'est pour ça qu'elle dit qu'elle a un gros ventre. Voilà, c'est pour ça que je précise. Et que du coup, ben, forcément, elle fatigue un petit peu plus vite dans le travail, et Kiki, de bon cœur, va l'aider. Ce qui est rigolo en plus, c'est que on a beaucoup parlé du côté travail et tout. Je voudrais pas qu'on se fasse une fausse idée du film. Kiki s'ennuie aussi beaucoup. Elle attend dans la boulangerie. Il y a pas de client des moments. Personne ne veut de son service de livraison au début. Donc il y a vraiment cette idée de quotidienneté qui est très importante. Et je pense que cette idée des sons et des odeurs dont vous parlez participe de ça. Dans la boulangerie, on voit effectivement plein de... Il y a du pain. Forcément, c'est une boulangerie, mais ils sont vraiment très présents. Il y a un gâteau à un moment. Il y a plein de... Elle fait des crêpes. Parce qu'elle gagne pas assez d'argent pour acheter autre chose que de quoi faire des crêpes. Donc elle le dit à un moment, elle dit « mais je vais manger des crêpes toute ma vie, je deviendrai énorme ». Voilà, exactement. Et Gigi, le chat, dit souvent qu'il a faim, donc on le voit avec le lait, les sandwichs, etc. Ce moment du quotidien incarne finalement l'humain. Et pour revenir sur le côté politique du coup qui va avec ça, c'est que chez Miyazaki et plus généralement chez les studios Ghibli, il y a jamais de foule informe. Les personnages même très secondaires dans le dessin sont très caractérisés. Alors, ça peut donner quand même des choses... ça ne veut pas dire pourtant que ce sont des personnages qui existent beaucoup. Par exemple, le mari, le boulanger dans le film, qui est donc très bien dessiné, qu'on reconnaît, ne parle pas à un seul moment. Il n'a pas d'existence par la parole, il n'y a que les femmes ici. Mais par contre, même quand il y a des foules importantes, et notamment sur la fin du film, où il y a vraiment plein de personnes qui encouragent Kiki parce que bon, il y a un danger immédiat, tous sont très bien dessinés, tous ont une existence, il y a des petits personnages secondaires, il y a des petites anecdotes, etc. Parce que voilà, pour eux, la foule, c'est pas quelque chose d'informe. L'humain existe à chaque fois. Ça paraît bête de dire ça, mais quand on fait un dessin animé, quand on fait un film d'animation, le moindre plan coûte cher. Donc s'ils choisissent de faire ça, donc ils mettent de l'argent, hein, pour être très pragmatique, c'est qu'il y a une raison. S'ils prennent le temps d'animer des personnages secondaires, des foules, que plein de personnages s'expriment, vu l'argent que ça coûte, vu le temps que ça prend, c'est qu'il y a une vraie politique, une vraie morale au sein du studio qui est de créer cette espèce de bulle parfaite, de monde parfait. Moi, c'est ce que j'appelais un monde parfait. C'est le titre de votre livre. Exactement. Où je me demandais, du coup, quels sont les éléments qui font qu'ils créent leur monde parfait. Le studio est à leur image, leurs films sont à leur image, et du coup, ils créent une espèce de morale générale. Alors, on peut y adhérer ou pas, mais vu que c'est quand même très universel, c'est quand même dur d'être contre leur morale, on va être honnête, avec plein d'ambivalence et tout, mais justement, ils prennent ça en compte. Et donc, que ça soit sur les personnages féminins, sur le travail, sur la nature, sur le moment du quotidien, sur la magie, sur plein de choses comme ça, ils créent leur bulle. Et sur l'amour, on n'en a pas parlé, mais Kiki a 13 ans, elle fait des rencontres, et si elle n'est pas du tout, on va y revenir, une héroïne sexualisée, elle suscite de l'émoi chez un jeune homme qui s'appelle Tombo. いいな。あんなんで世界一周できたら最高だろうな。ねえ、初めて空飛んだ時どんなんだった?覚えてないの。とても小さかったから。でもちっとも怖がらなかったって母さんは言ってたけど。 Ah, oh la chance. Je sais pas ce que j'aurais donné pour naître dans une famille de sorcières. Toi, il te suffit d'enfourcher ton balai et tu t'envoles. Moi, je suis obligée de pédaler sur ce machin. Voler, c'est bien, mais quand on le fait pour gagner sa vie, c'est moins amusant. Kiki, tu n'as pas le droit de te plaindre d'avoir le pouvoir de voler. Tu es une sorcière. Je commençais à perdre confiance en moi. Mais j'ai bien fait de venir ici avec toi, de voir la mer. Ça m'a remonté le moral. Je peux t'amener ici chaque fois que tu en auras envie. Ça me fait faire de l'exercice. T'es vraiment très gentil. C'est maintenant que tu t'en aperçois? Au début, je te prenais pour un petit voyou. Ça, c'est vraiment bizarre. C'est ce que ma mère me dit toujours. Elle me fait « Cesse de jouer les petits voyous et travaille au lieu de regarder le ciel !» Ouais. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. À ce moment-là du film, Alexandre Matisse, un basculement s'opère. Alors, est-ce la sortie de l'enfance? Est-ce la sortie de l'adolescence? Est-ce l'histoire même de magie, donc incarnée par une sorcière, qui va évoluer en histoire plus universelle? En tout cas, lorsque Kiki accepte d'aller se promener avec Tombo, parce qu'avant elle le refuse, elle le rejette, elle a tellement peur du désir qu'elle peut susciter qu'elle préfère ne pas lui parler, quelque chose se passe, à savoir, elle va commencer à perdre ses pouvoirs magiques. Quelle est votre interprétation? Alors, il faut savoir plusieurs choses. Déjà, sur le personnage de Tombo, effectivement, donc, c'est un petit garçon qui l'aide au début du film à échapper aux policiers. Parce que un policier veut embêter Kiki parce qu'elle a volé, que c'est interdit et que c'est dangereux. Donc il fait diversion. Et elle est très perturbée par ça. Effectivement, elle n'a que 13 ans et elle comprend pas qu'un garçon s'intéresse à elle. Donc elle le rejette effectivement plusieurs fois dans le film. Et là, elle devient au moins, on va dire, amie. Et elle est troublée par ça. Dans le roman, d'ailleurs, Tombo, il lui casse son balai en lui volant. Donc il est encore un peu plus voyou, un petit peu plus... Ah oui. Voilà, elle finit par être amie avec lui. Mais voilà, ça met un peu plus de temps. Ici, il est un petit peu lourdeau en insistant, mais il est quand même un petit peu plus sympathique, on va dire. Et en fait, il faut repartir d'un principe important chez Miyazaki. C'est que les enfants ont accès à la magie, ou au monde magique, ou aux visions magiques. Voilà. Ce qu'on n'a plus les adultes. Je vais prendre deux autres exemples. Dans Mon voisin Totoro, les enfants voient les Totoro, les adultes ne voient jamais les Totoro. Et la plus petite fille qui a 4 ans le voit de manière... Enfin, vraiment, elle ne se pose pas la question. Bah oui, il y a une créature, je la suis. La plus grande a des doutes, se demande, elle les voit moins, etc. Dans Chihiro, justement, Chihiro, elle a accès au monde magique. Et même si les parents, on les voit dans le monde magique, on ne les voit pas en... en interaction avec les yokai, avec les esprits. Par contre, elle, elle y a accès. Et c'est une adolescente qui va finalement s'en émanciper. Et à la fin, quand elle sort de ce monde magique, elle revient dans le monde réel. Elle y aura peut-être plus jamais accès, et certainement pas. Mmh. Bah, Kiki, c'est une enfant. Elle a des pouvoirs magiques. Et elle va sûrement les perdre en grandissant. Et qu'est-ce qui fait perdre l'enfance? Notamment, tomber amoureux, ou en tout cas, ressentir des sentiments qu'on ne comprend pas. Ce sont tous les troubles de l'adolescence. Et donc, effectivement, à ce moment-là, elle n'arrive plus à voler avec son balai. Et elle ne comprend plus son chat. Mais ça, c'est terrible, parce qu'il faut quand même se mettre à la place du spectateur qui, depuis le début du film, adore Gigi. Gigi, c'est le chat noir qui parle, qui râle, qui bougonne. On a envie de l'avoir à nos côtés. Et soudain, il se met à miauler comme un chat normal. Et c'est le signe que Kiki ne peut plus communiquer avec lui. Mais le spectateur non plus. On ne le comprend plus. Exactement, parce qu'en fait, Miyazaki nous redonne la possibilité d'être enfant à travers ses films, nous redonne accès au monde magique. Et là, il nous dit, on va peut-être plus y avoir accès. Et donc Gigi, qui est un familier en fait, donc la figure classique de l'animal avec le héros ou l'héroïne, comme souvent chez les sorcières, et effectivement, elle ne peut plus communiquer avec lui. Et en plus, lui aussi tombe amoureux d'une petite chatte. Donc, à un moment, on se dit, est-ce que c'est le chat qui ne peut plus communiquer parce que lui aussi est amoureux, ouais, ou est-ce que c'est Kiki? Mais quand on regarde vraiment précisément, il a déjà rencontré lui, il est déjà amoureux, il arrive encore à lui parler une fois. Par contre, elle, à partir du moment où elle a perdu ses pouvoirs, elle ne parlera plus au chat. Donc effectivement, il y a une perte. De toute façon, c'est triste de ne plus être enfant. Enfin, on regrette tous d'une certaine manière au moins cet aspect de l'enfance. Pareil, on n'a pas toujours une enfance heureuse. Oui, ça dépend de l'enfance qu'on a eu. Ça dépend de l'enfance qu'on a eu, effectivement. Mais en tout cas, cet aspect, quand on a eu de l'innocence, on sait qu'on passe à un moment un cap. Et ben, pour Kiki, c'est ça. Et donc, elle va devoir devenir adulte, c'est-à-dire travailler sur elle-même pour renouer avec ce que j'appelle le super pouvoir de l'enfant, en fait. Mmh. Comme si la magie n'était plus un pouvoir, mais peut-être le résultat d'un travail, cette fois-ci d'un travail de création. Finalement, on revient ici à la comparaison avec le travail de Miyazaki lui-même. C'est lui qui recrée la magie. Donc, c'est plus un super pouvoir, c'est le résultat d'un travail. Et d'ailleurs, Toshio Suzuki, le cofondateur et producteur du studio, a sorti un livre il y a quelques années, et je crois que ça s'appelle « Travailler en s'amusant ». Donc, il y a cette espèce d'envie de se dire... C'est Blanche-Neige, ça. Siffler en travaillant, c'est un peu pareil. Hein. C'est un peu ça. Alors en plus, on se dit qu'à mon avis, au quotidien, travailler sur un film d'animation, je ne suis pas sûr que tout le monde s'amuse au quotidien. On dit que c'est une minute de film en un mois de travail. Oui, quelque chose comme ça. Et chez Ghibli, je pense que c'est plus long. Vu comme Miyazaki est perfectionniste et reprend beaucoup de choses, je pense qu'on est même sur d'autres propos. Enfin, voilà, c'est plus long à mon avis. Alors pourquoi est-ce que je dis que la magie devient le résultat d'un travail? Parce qu'il y a... dans l'univers de Miyazaki, et en particulier dans le film Kiki, une sorte de philosophie de la création, finalement. Il nous invite à créer, à produire, pas simplement le travail pour gagner de l'argent et survivre, parce qu'on vit jamais tout seul, hein, chez Miyazaki, il faut de l'argent pour survivre, mais aussi pour créer autre chose, justement, que ce que l'argent peut nous apporter. C'est ce qu'on comprend lorsque Kiki rencontre son amie Ursula, qui vit dans une cabane, dans la forêt, et elles vont partager leurs impressions sur les difficultés qu'elles ont, l'une pour peindre, parce qu'elle est artiste, l'autre pour voler dans les airs. Écoutez le parallèle que Miyazaki esquisse ici et puis ce qu'on pourrait appeler une sorte de philosophie de la création. Atasa, kiki kurai no toki ni eikaki ni naro tte kimeta no. Eikaku no tanoshikutte sa, neru no ga oshii kurai datta nda yo. Je devais avoir ton âge quand j'ai décidé de devenir artiste peintre. Je passais mon temps à peindre. Je m'endormais avec mon pinceau dans la main. Et je ne sais pas pourquoi, brusquement, un jour, ma patience est éteinte. Ce que je peignais ne me plaisait pas. Mon travail n'était qu'une imitation de tout ce que j'avais pu voir ailleurs. Mes copies ne valaient pas les toiles originales. J'ai eu l'impression que je ne valais rien. Ça a dû être affreux. Tu l'as dit, affreux. Mais l'avantage, c'est que... j'ai compris à ce moment-là ce qu'était vraiment la peinture. C'est comme la magie, il ne suffit pas de connaître les formules. On a ça dans le sang. Du sang de sorcière, voilà qui est drôlement intéressant comme idée. Du sang de sorcière, du sang de peintre, du sang de boulanger. Ça serait un pouvoir qui nous serait insufflé, on ne sait par qui. C'est passionnant, même si c'est des soucis. Je n'avais jamais pris le temps de réfléchir au pouvoir magique. Je considérais l'apprentissage comme une tradition un peu dépassée. Ça me fait énormément plaisir que tu sois venue me retrouver. Je me sentais seule, je savais plus quoi penser. C'est bizarre. J'ai été tentée à plusieurs reprises de décrocher ce tableau et de le mettre au placard. Il est si beau pourtant. En te revoyant aujourd'hui, j'ai remarqué tes traits tirés, ton visage défait, j'ai eu comme un choc. Ça m'a donné envie de peindre. C'est pas gentil. Voilà, on est quitte maintenant. On éteint. Merci de me laisser ton lit. C'est normal. Je pourrais revenir te voir ici? Bien sûr, j'y serai tout l'été. Moi aussi, je viendrai te voir. C'est très beau cette rencontre entre Kiki et son amie Ursula Alexandre Matisse. Et non seulement c'est beau, puis on est heureux pour Kiki qu'elle puisse avoir une amie, mais en plus c'est passionnant cet échange, parce que d'une discussion assez classique entre deux jeunes filles de 13, et j'imagine qu'elle est un peu plus âgée Ursula, ressort une dimension beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Alexandre Matisse. Oui, c'est un très bel exemple de ce qu'on appelle la sororité, hein, du coup, deux jeunes femmes qui... en comparant leur vie, se rendent compte de leurs points communs et du coup arrivent à se tirer vers le haut. Donc c'est une évidence pour Kiki qui, grâce à ce moment passé, va réussir à nouveau à voler. En se concentrant, elle va comprendre d'où vient son trouble et comment arriver à retrouver le chemin désert du coup. Et Ursula explique que grâce à la rencontre avec Kiki, qui était complètement fortuite, elle a réussi à peindre ce tableau qu'elle n'arrivait pas à finir, qu'elle a failli abandonner plusieurs fois et qui aurait pu rester une sorte de brouillon parmi tant d'autres. Et Miyazaki s'est toujours plus comparé aux artisans d'ailleurs qu'aux artistes. Donc là, on a effectivement une artiste, Ursula, et alors c'est pas un artisan, Kiki, mais on va dire une travailleuse manuelle, une travailleuse du quotidien, et c'est toujours reconnu là-dedans, notamment par sa famille. Hein. Je disais que ses parents, enfin son papa et son grand-père travaillaient dans l'aéronautique. Il les admire et il a presque plus de respect d'une certaine manière pour ceux qui créent de leurs mains que pour juste les artistes, où ça c'est parfois un petit peu dur à quantifier et tout. Lui se voit comme ça. Et évidemment, dans le dessin animé, c'est comme un peintre. Hein. Je veux dire, on dessine, on fait des plans, on fait des perspectives. Il y a quelque chose d'assez manuel. Et ça le passionne. Donc il y a un peu de Miyazaki là-dedans, c'est une évidence. Mm-hmm. Et puis, revenons-en à cette morale. Voilà, qui que vous soyez un travailleur manuel, intellectuel, un artiste et tout, vous pouvez aller puiser une force dans le monde, dans le travail, dans la création. Et ce qu'elle explique, c'est que donc Ursula, quand elle n'y arrive pas, elle fait autre chose. Elle n'arrive pas à peindre, elle dit « je vais me promener, je vais manger », je ne sais plus exactement ce qu'elle dit, mais voilà, je fais autre chose et à un moment, quand je reviens, ça marche. Donc c'est-à-dire que c'est à la fois une espèce d'hygiène de vie. Genre, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne sert à rien d'insister, mais je sais que j'y reviendrai et qu'à la fin, j'y arriverai. Et je trouve que c'est un peu rassurant quand on est enfant comme adulte de se dire, ok, si ça bloque à un moment, ça marchera plus tard. Je veux dire, même nous, en tant qu'adultes, des fois, on aurait besoin de se dire ça. On doit finir ce qu'on a à faire. On a parfois une deadline ce soir à 23h ou je sais pas quoi. Et de temps en temps, il faut se dire, j'arrête pendant une heure, je fais autre chose. Je vais manger, je vais cuisiner, je vais me balader, j'appelle mes parents, enfin je sais pas. Et quand je reviens, je vais y arriver. Je vais enfin pouvoir me replonger dedans. Et c'est clairement ça, cet extrait-là. Miyazaki met en scène de nombreuses reprises dans ce film et dans sa filmographie en général la valeur, on peut appeler ça une valeur, de la persévérance justement. Il y a le courage de commencer, c'est ce que fait Kiki, on l'a entendu dès le début du film, elle a le courage, le commencement absolu, elle prend son balai, elle s'en va, mais elle s'accroche et elle recommence même quand il y a des échecs, des obstacles qu'elle arrive à surmonter. Et ce que vous dites ici va dans ce sens, effectivement, c'est comme si Miyazaki donnait des conseils sur comment créer, comment parvenir à ses fins, qu'on fasse un travail intellectuel, artistique ou manuel. Mais aussi, il y a c'est pour ça qu'on pourrait presque parler d'une philosophie hein, de la création, une attitude à adopter face au monde et face aux choses, de manière à pouvoir quand même parvenir à ses fins, ses fins étant toujours l'idée d'une forme de création de quelque chose de nouveau. Oui, et pour que ça fonctionne, il prend le temps de montrer ce qui ne va pas. Il prend le temps de montrer la déprime, par exemple. Kiki, quand elle perd ses pouvoirs et quand elle est malade, elle est vraiment dans son lit, elle est au fond du trou, quasiment littéralement. Et il le montre. Je veux dire, pour un film qui se destine... Kiki, on peut le regarder à 5 ans, hein, je pense. Hein. Oui, même avant. Voire même avant, voilà. On peut vraiment le regarder tout petit. Et il y a déjà ça qui est traité. Et il y a un moment où elle déprime vraiment. Il montre aussi dans ce film-là les personnages qui sont pas forcément avec elle, les accidents, les risques, etc. Et il prend le temps de le montrer pour montrer que finalement, des solutions vont exister. Il met Kiki face à ses problèmes pour dire, on y a tous droit. Regardez, même votre héroïne, même elle que vous admirez, elle s'est façonnée comme ça et elle va y arriver, vous allez aussi y arriver. Jusqu'au bout du film où on retrouve le vent, puisque Tombeau travaille à une sorte de projet secret qui est la construction d'un dirigeable qui à la fin du film va se mettre à voler. Et alors que Kiki est chez une cliente qui n'a pas fini son plat qu'elle doit elle-même livrer et qui va l'aider à cuisiner, etc., elle va allumer la télé. Là encore, mise en abîme, il y a beaucoup de radio et de télévision dans ce film. Et elle va voir l'image du dirigeable et il y a un problème avec ce dirigeable. Et elle pense à son ami Tombeau qui lui-même est censé être dans ou à côté du dirigeable et elle se dit mais il va être en danger. Et elle seule peut le sauver. La ville entière a les yeux rivés vers le dirigeable et c'est elle seule qui, avec son balai, pourrait le sauver. Or, elle n'a plus de pouvoir magique. Et c'est finalement à cette toute fin du film que va se jouer l'intérêt du rapport à la magie, savoir est-ce que celle-ci peut ressurgir quand on a besoin d'elle ou bien est-ce que Kiki n'a finalement plus besoin de magie et c'est par son habileté, son savoir-faire qu'elle va pouvoir aller sauver Tombeau. Exactement. Ça y est, elle n'est plus l'enfant. Elle a réussi finalement déjà sa quête alors qu'on est... que sur le même été, hein, donc en quelques semaines, et à force de concentration, elle va arriver à voler. Elle n'a plus son balai dont on parlait au début, là, qui est important pour voler. Elle l'a cassé plutôt dans le film. Elle va prendre un balai brosse qui est censé ne pas fonctionner, visiblement, dans le monde des sorcières. Un balai brosse, ça ne fonctionne pas bien. Les poils ne sont pas assez longs. Je suis pas expert en balai brosse, je suis désolé, mais apparemment, c'est compliqué. Et elle y arrive. Donc, évidemment, que le vol est hasardeux. Évidemment, qu'il y a une forme, il crée une forme de suspense et de climax dans son film. Pour qu'on se demande est-ce qu'ils vont arriver à sauver Tombeau de ce dirigeable qui est à la dérive. Et Kiki arrive par la force de sa propre persuasion, mais quand même l'aide extérieure elle est là, c'est-à-dire que il faut prendre un autre balai, on veut pas trop, mais elle le prend quand même, et bon, c'est pas très grave, et les gens autour l'aident en la motivant, en scandant son nom. Au début, les gens de son village scandaient son nom parce qu'ils étaient contents qu'elle parte. Et à la fin, alors ils connaissent pas forcément son nom, mais ils l'applaudissent, ils sont avec elle. Donc c'est important pour Miyazaki aussi que le monde extérieur à un moment nous vienne en aide. Et c'est important pour nous de toute façon que on se sente pas seul dans ces quêtes-là et on peut vraiment se transcender avec ça. Et elle y arrive. Effectivement, et donc ça termine avec cette réussite finale de Kiki qu'on va entendre pour terminer cette émission. Mais d'abord un mot, Alexandre Matisse, chaque jour de cette semaine, donc nous parlons d'un film par jour, on parle d'une recette, puisque finalement, on l'a dit, dans tous les films de Miyazaki, il y a des recettes, un rapport à l'alimentation et à la nourriture très très fort. Les éditions Innis proposent les recettes des films du studio Ghibli et on trouve le gâteau au chocolat de Kiki. Vous vous souvenez à quel moment il intervient, le gâteau au chocolat? Oui, c'est vers la fin. Alors en plus, c'est un moment qui est très très beau, puisque donc c'est la vieille dame qu'elle a aidée plus tôt dans le film. Elle est appelée à retourner chez elle. Elle ne sait pas pourquoi. Et en fait, elle veut lui faire un cadeau en lui disant « Pense bien à me donner ta date de naissance, je pourrais te faire un cadeau. » Et en échange, Kiki lui dit « Vous me donnerez aussi votre date de naissance, comme ça je pourrais aussi vous faire un cadeau. » On est à nouveau sur « Au-delà de l'altruisme, c'est de l'amitié, mais c'est transgénérationnel, etc. » Donc c'est un vrai moment de communion. Et d'ailleurs, Kiki pleure d'émotion parce qu'elle a trouvé sa place, en fait. Grâce à la cuisine? Pas grâce à la cuisine, mais le présent que ça représente, ce cadeau complètement gratuit. En fait, elle doit se livrer à elle-même ce gâteau, en fait, dans le film. Donc grâce à ce moment-là, elle sait qu'elle a des amis, elle sait qu'elle a des proches, elle sait qu'elle est acceptée, elle sait qu'elle est aimée. Et du coup, elle va réussir sa quête, elle, à la fois de sorcière, donc c'était la mission, mais pour elle-même, en fait. Elle a trouvé sa place. Elle a trouvé sa place et... Tout dernier point, Gigi, pour le coup, a définitivement perdu la parole. Oui, mais il a des petits chats. Non, oui. non, ce sont des chats. Il y a des petits chatons, pardon. Donc à la fin, chacun est à sa place. C'est ce que vous appelez le monde parfait, donc selon Ghibli, hein, c'est le titre de votre livre. Merci beaucoup Alexandre Matisse, on se retrouve demain. Demain, nous parlerons ensemble du Château dans le ciel. C'est pas exactement un film doudou, hein. Beaucoup moins. Ouais. Beaucoup moins, mais tout aussi intéressant. Bon, on verra ça demain. Un monde parfait selon Ghibli, c'est votre livre disponible chez Playlist Society. On se quitte donc avec le dernier extrait du film Kiki, la chanson de fin qui vous restera en tête toute la journée. Et puis un bonus, je vous laisse découvrir lequel. Visez de son casque, le ballon va tomber. Il a été stoppé dans sa chute par un immeuble. Regardez, le garçon est toujours là. Il est resté accroché. C'est un miracle. Il doit vraiment tenir à la vie pour trouver autant de force. Mais comment faire pour lui venir en aide à présent? Qu'est-ce que c'est? On dirait, c'est un oiseau. Mais non, ce n'est pas un oiseau. C'est une sorcière. Une sorcière sur balai. Kiki, c'est formidable. Elle vole de nouveau. Allez, vas-y. Tombe. Kiki. Obéis. Obéis-moi, balai. Sois gentil. Kiki. Elle essaie de rattraper le jeune garçon. Sauve-le. Vas-y, approche, tu y es presque. Bravo, nous sommes très fiers de toi. Temps de retrouver comme tous les jours Frédéric Worms pour sa chronique philo du jour, le pourquoi du comment. Pourquoi faut-il relier la guerre à la politique? C'est un général prussien en réalité de l'époque napoléonienne, Karl von Clausewitz, qui fascine aujourd'hui encore tous les philosophes qui cherchent à penser la guerre et au fond tous les citoyens qui devraient réfléchir sur la guerre. Et s'il fascine tous les philosophes, c'est parce que justement ce général de l'époque napoléonienne, Clausewitz, justement a relié la guerre à la politique. C'est le sens de sa phrase la plus célèbre, « La guerre, disait Clausewitz, est la continuation de la politique par d'autres moyens. » Il faut prendre cette phrase très au sérieux. C'est que la guerre n'est pas justement un conflit comme les autres. Certes, ça peut être un conflit terrible et il a découvert finalement pour la première fois l'expérience de la guerre totale, l'expérience des massacres sur les champs de bataille qui certes est très ancienne mais qui prend une forme industrielle déjà avec les nouvelles armes au début du 19e siècle. Mais Clausewitz tient malgré tout à relier la guerre et la politique, ce qui est susceptible de plusieurs interprétations. Qu'est-ce que la guerre guerre, selon Clausewitz, dans son grand traité de la guerre, publié de manière posthume par sa femme en 1832, alors qu'il est mort, comme Hegel, autre grand philosophe de la lutte à mort comme outil de reconnaissance entre les humains, en 1831, en Prusse. Qu'est-ce que donc la guerre, selon le grand traité de Clausewitz, intitulé « De la guerre » ? La guerre, dit-il, est un duel entre des adversaires qui veulent s'imposer mutuellement leur volonté. Il y a là une définition très profonde. D'abord, parce que la guerre est bien un rapport entre des humains qui se font des représentations d'un but à atteindre, d'un but stratégique, comme on dit, qui va définir aussi les objectifs de guerre et la paix. La guerre est donc bien soumise à des finalités politiques. C'est un responsable d'un État, c'est un chef d'une société qui se fixe tel ou tel objectif précis et qui, pour cela, va faire appel à des moyens susceptibles dès lors de régulation et de principes, des moyens militaires, des moyens terribles, mais des moyens ordonnés à une fin, qui ne sont pas donc la barbarie sauvage. La guerre est encadrée par la politique et par le droit. Et pourtant, dans cette même définition de la guerre, Clausewitz va aussi au plus loin dans un autre sens. La guerre, dit-il, est un duel entre deux volontés, mais c'est un duel, dit-il, qui peut monter aux extrêmes et qui même monte nécessairement aux extrêmes. C'est un duel qui, en effet, chez Clausewitz, comme chez son contemporain Hegel, conduit à la lutte à mort. Il ne faut pas s'étonner alors si dans la philosophie française des 30 dernières années, il y a deux grandes lectures de Clausewitz qui s'opposent. Celle de Raymond Aron, qui fait de Clausewitz un rationaliste politique, qui inscrit la guerre dans un cadre étatique et rationnel d'un côté. Et de l'autre côté, l'interprétation de René Girard, qui dans Achever Clausewitz montre au contraire comment il a compris dans la guerre un processus mimétique qui conduit à la violence extrême et au désir de l'entre-destruction. Que faut-il choisir ? Quel est le lien à la politique ? Est-ce la rationalité qui peut conduire à la paix ? Ou est-ce l'imitation qui conduit au massacre ? En tout cas, Clausewitz était d'accord avec Clemenceau. La guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires. La guerre relève de la politique. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie et à télécharger, à podcaster via l'application Radio France. Chérie, on a reçu une lettre de Kiki. Cher papa et chère maman, j'espère que vous allez bien. N'ayez aucune inquiétude pour Gigi et moi, tout va pour le mieux. Mon service de livraison fonctionne très bien. J'ai confiance en moi et en l'avenir. Vous me manquez beaucoup, mais une chose est sûre, j'aime cette ville. Je vous embrasse, Kiki. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour m'aide à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Anaïs Isbert en compagnie de Lila Bozès, Carla Michel, Manon Delasselle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise pour vous cette série d'émissions. À la prise de son aujourd'hui, c'était Étienne Collin. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour du cinéma de Miyazaki. Nous serons en compagnie d'Alexandre Matisse qui reviendra demain pour vous parler du château dans le ciel. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou bien vous pouvez la télécharger, la podcaster notamment via l'application Radio France ou sur d'autres plateformes. Le podcast qui vous permet d'écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez et avec qui vous voulez, parce que oui, les émissions sur Miyazaki s'écoutent souvent à plusieurs. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, on est toujours ravis de lire vos commentaires et nous postons quotidiennement l'émission du jour. À demain, 11h, 10h, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.